C'était prévu ce soir que je l'ai, puisqu'il m'a appelé en fin de journée pour éventuellement en parler ce soir, Gérard de Suresnes, pour faire un petit topo sur les sondages. Bonsoir Gérard. Bonsoir, grand star de la bande FM. Alors, on va faire un petit point sur les sondages, Gérard. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut en parler parce que beaucoup d'auditeurs réclament et veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, ce qui s'est produit, c'est que déjà, faut dire une chose, c'est que Fun est quand même 7e dans les sondages. Ce qui est quand même pas mal, hein, c'est déjà bien. Donc on est 7e avec, disons que Fun est 7e, pas, hein, on est 7e, disons, c'est toute la radio, qui est 7e avec 2 919 000 auditeurs. Auditeurs, et donc c'est sur des bases, c'était la base que j'ai eue, moi ça date de novembre et décembre. Hein. D'accord, ce qu'il faut quand même savoir pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, c'est que bon, on a 2 900 000 auditeurs quasiment de moyenne qui viennent nous écouter par jour, mais c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a quand même certains animateurs qui ne font que genre 30 ou 40 000 auditeurs, et il y a des gens comme Gérard qui, heureusement, sont là pour sauver les meubles, et qui, en venant une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours, 3 semaines, quand il y a des surprises, nous font plus de 15 millions d'auditeurs, et ce qui permet de faire une bonne moyenne. Ouais, mais c'est si t'étais c'est pas là, s'il n'y avait pas des gens comme toi aujourd'hui... Non, mais c'est quand même toi, hein. C'est pas, tu sais, moi je fais que du nadiou. C'est pas moi, parce que si tu veux savoir le taux d'écoute que Fun a exactement, parce que là j'ai les nouveaux le nouveau hit parade. Il y a le nouveau hit parade qui arrive de la radio, donc écoutons le nouveau hit parade. Donc si tu veux sur le taux d'écoute, il y a 6,1% d'écoute. Hein. Sur quoi? Sur l'échelle de Richter ou pas? Ça, je peux pas dire si c'est sur l'étoile ou sur... Ou haute. Mais je pense que c'est sur l'échelle de Richter, hein, que les sondages sont faits. Et donc, voilà, t'as quand même 6,1, t'as 2 919 000 auditeurs. Ouais. Sur une durée d'écoute de 1h24. Hein. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a 2 900 000 personnes qui écoutent Fun en 24 heures, mais il faut se les partager. Qui c'est qui a la grosse part du gâteau? Ben, je pense que la plus grosse part du gâteau, ça doit être toi qui l'as le soir. Ouais, comme par hasard. Ah bah ouais, c'est normal. Et toi, t'es la grosse cerise sur le gâteau. Enfin, je dis la cerise, t'es même plus une cerise. Toi, t'es carrément un pastèque sur le gâteau. Ah non, mais moi, je suis carrément le cornichon. faut vraiment... Cornichon, c'est Bibi. Faut vraiment rendre à César ce qui est à César. C'est que si, grâce à toi, n'empêche que ça tourne, c'est vrai que... Ouais. Tu m'as quand même vachement poussé un peu la main. Ouais, on aurait bien voulu te pousser ailleurs, mais bon, on pouvait pas. Quels sont les points positifs et négatifs de Fun Radio, d'après toi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une petite baisse? Aujourd'hui, ça remonte bien d'ailleurs, hein, je tiens à prévenir tout le monde. On est de retour gravissime, quoi qu'on ait déjà pas, on n'est pas à la rue, loin de là, comparé aux autres. Mais d'après toi, Gérard de Suresnes, quel est le point, qu'est-ce qu'il y a de très positif et qu'est-ce qu'il y a eu de négatif, d'après toi, dans ces deux derniers mois sur l'antenne de la radio? Parce que toi, je sais que tu écoutes très souvent Fun Radio et que tu peux nous faire une critique. Ben disons ce qui est le point positif de Fun, c'est que c'est vrai que c'était dur, c'est dur encore à l'heure actuelle de pouvoir avoir ce que tu demandes, c'est déjà d'avoir des meilleurs matos. Non, je parle de Fun en général, hein, pas de moi particulièrement, Gérard. Je parle de toi en tant qu'auditeur, quand tu écoutes la radio, quand tu as écouté le format, la musique, les jingles, tout ça, qu'est-ce qui fait que c'est positif et qu'est-ce qu'il y a de bon dans Fun et qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans Fun? Ben, ce qu'il y a de mauvais, c'est que t'as par moment donné t'as trop de pubs. Ça c'est un point qu'il faudrait voir avec les directions qui t'en mettent le moins possible sur Fun. Qu'ils en mettent le moins possible sur Fun. C'est inconcevable. Parce que quand t'écoutes et puis que d'un seul coup t'as la pub qui part, tu te demandes. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Ça tient plus debout, hein. Ouais. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Et vice versa. Ouais. Mais sinon, dans l'autre sens, c'est que. Ah, je vais pas être, je vais pas, allez, je me mouille pas. Allez, attention, qu'est-ce qu'il fait Manu, Gérard, il se mouille ou il se mouille pas? Il se mouille. Ça ne peut que lui faire du bien de toute façon de se mouiller. Je veux dire, mets un coup de savon, vas-y, on se mouille. Allez, le mieux, c'est que tu repasses comme tu avais fait, parce que on ne donne pas assez d'antennes. Moi, mon plus gros truc, c'est toi, on te laisse pas, t'as pas assez d'heures. Ah, il faudrait que je fasse quoi, une heure de plus au moins? Ouais, faudrait que tu refasses comme mon vieux temps. 21h-3h, voilà, c'est bon ça. Un petit 21h-3h? Non, voire 22, tu commences le dimanche, c'est 22 minuit, donc le dimanche, on va laisser, parce que, manière, je pense pas que t'ailles beaucoup de... Je sais pas si... Faudrait essayer de voir. Si demain, on peut refaire un petit sondage, c'est de savoir le nombre d'auditeurs qui arrivent à écouter le dimanche. Ah, il y en a beaucoup, hein. Bon, c'est vrai que la semaine, Noémie... c'est trop court. Hein. On va demander à Noémie... 21h, minuit... Ah, tu sais, 22h, 1h, c'est 3h, 21h, minuit, c'est pareil. On demandera à Noémie, d'ailleurs, de nous faire un petit sondage sur les Champs-Élysées pour savoir combien d'auditeurs m'écoutent le dimanche soir. Ah ben bah, tiens, pourquoi pas. Hein. Hein, ça va t'occuper, puis c'est important de savoir quand même. Ah bah oui, de manière pour l'envoyer sur les Champs-Élysées, comme elle n'est pas capable de faire un standard potable. Non mais c'est vrai que c'est important, c'est bien ton point de vue sur les sondages. On comprend mieux maintenant pourquoi Fun marchait un tout petit peu moins bien, c'est qu'il y a trop de pubs. Non, c'est pas qu'il marche moins bien, mais c'est vrai que là, pour l'instant, depuis sans arrêt, on n'arrive pas... Fun reste toujours 7e. Avant, j'ai vu qu'à un moment donné, c'était 8e. Bon, petit à petit, ça avait augmenté. Puis là, ça y est, c'est reparti. On est 7e. Fun est 7e. Ben c'est bien déjà, ça va augmenter encore. Hein. Ben j'espère. Hein. Bon, en tout cas, merci pour ce petit point très, très intéressant. En tout cas, on en sait beaucoup plus maintenant sur... c'est dommage parce que il y aurait vraiment du visuel. Je suis sûr que tu serais mieux avec des courbes et tout ça. Tu nous aurais fait ça encore un peu mieux au tableau. Mm-hmm. Hein, n'est-ce pas? Ben, c'est toi qui vois. Hein. D'accord, ok. Ben oui, mais comme on voit pas grand-chose à la radio, c'est déjà tout vu. Mais une chose est sûre, on en sait beaucoup plus sur ces sondages et tu nous as aidés. Bah disons, moi je t'ai aidé dans l'ensemble pour savoir que tu m'as demandé des points positifs et négatifs. Bon, moi je t'ai donné les points positifs et négatifs. C'est vrai que par moment donné t'as trop de pubs et t'as pas assez de libre antenne. Voilà. Exactement. Merci Gérard. Faudrait que t'en fasses un peu plus. D'accord, bah c'est ce que demandait la fille d'avant. D'accord, ok, très bien. Merci Gérard en tout cas. Bah, y a pas de quoi. Sinon, ça s'est bien passé vendredi, ta petite soirée? Carton plein, et on en parlera lundi en détail, mais alors vraiment un accueil extraordinaire, blindé, je crois 900 000 personnes pour un vendredi soir. Tous les gens de Tours ont répondu présent, c'était blindé, il y a eu une ambiance de folie, il y a eu du bon son, on a été bien reçu par la direction, bien reçu également par le DJ et l'équipe, enfin toute l'équipe du bar, partout. Il y avait de très jolies filles, je t'en parlerai demain. Ok. T'as dû être content. Exactement. Je t'en parlerai demain, d'accord, en direct. On en parlera, parce que le dimanche, on n'en parle pas.